retour, d'autres chroniques de la part de nos précieux collaborateurs. Vous écoutez Aucun outil requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. De retour à Aucun outil requis. Dans cette émission estivale, on rassemble chaque semaine quelques chroniques diffusées pendant l'année scolaire 2012 et 2013. N'oubliez pas que tout l'été, je co-anime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante. C'est là que vous pourrez retrouver toutes nos chroniques originales. Maxime, ce matin, on parle de santé mentale. Je pense que j'en suis peut-être affecté, étant donné mon sens de l'humour aucunement. On sait pas, peut-être que ton trouble, si c'en est un, bien sûr, est dans le diagnostic dans le livre statistique de maladie mentale, qu'on appelle le DSM, plus couramment. Exact. T'es pas médecin, donc tu peux pas me diagnostiquer. Non, mais... effectivement. Quoique, suite à la lecture du fabuleux ouvrage que j'ai lu dans les dernières semaines, je pourrais quasiment. T'as pas lu le DSM-5, là, j'ai pas lu le DSM-5. Ben, premièrement, il est pas encore sorti. Il sort en mai prochain. Mais j'ai lu, en fait, ce charmant petit livre ici. Ça s'appelle Tous fous, l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la psychiatrie. Écrit par M. Jean-Claude Saint-Onge, paru chez Éco-Société ce mois-ci, février 2013. C'est rare qu'on voit un nom tellement long que le gars est obligé de mettre une abréviation sur sa propre couverture de livre. C'est J-Claude Saint-Onge. Et J-Claude Saint-Onge. Trop long, Jean-Claude Saint-Onge. GC. GC. GC Saint-Onge. En même temps, je le comprends. Tellement. Jean-Philippe. Jean-Phil. Jean.com, c'est comme les Marie.com pour les demoiselles. Oh, ce serait un peu pire nom, ça, Marie.com. Marie.com. Ben pourquoi pas, il y en a qui appellent leur fille Apple. Ou hashtag. Donc, dans le fond, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies. Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? En fait, c'est un pamphlet, c'est un brûlot, c'est un réquisitoire contre la maladie mentale. Même si l'auteur ne l'assume pas, ben c'est une charge à fond de train vraiment contre l'industrie de la maladie mentale, si je puis dire. C'est un peu plate à dire, mais c'est vraiment ça, l'industrie de la maladie mentale. Il y a une bonne partie du livre qui est des notes de bibliographie. Oui, effectivement, c'est je vais y venir dans quelques instants, mais tout d'abord l'auteur, Monsieur GC Saint-Onge, c'est un professeur de philosophie, maîtrise en philosophie, avec un doctorat en socio-économie. C'est un écrivain assez prolifique. Il a publié à peu près 6 ouvrages et quelques collaborations depuis les années 2000. Il s'intéresse beaucoup à l'industrie pharmaceutique. Il a publié un livre il y a quelques années qui s'appelle « L'envers de la pilule, les dessous de l'industrie pharmaceutique », qui lui a valu ce qu'on appelle le prix Orange, qui est un prix décerné par l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Méchant acronyme en passant. Donc, il est un peu en terrain inconnu. Ce livre-là, comme je vous disais, c'est vraiment une charge à fond de train. Mais bon, commençons par la fin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un bon livre? Sincèrement, moi, je pense que oui. Pourquoi? Ben, malgré le manque de nuances, malgré le parti pris évident de l'auteur, malgré que ce soit un livre qui est vraiment du style documentaire, donc c'est vraiment une thèse défendue, on ressort de la lecture de ce livre-là puis on est un peu pompé, sincèrement. C'est frustrant lire ça. C'est frustrant, tu veux monter aux barricades, c'est okay. Citoyens, défendons-nous, changeons le monde, c'est vraiment ce style de livre-là. Malgré un peu l'approche théorie du complot avec les multinationales, on se fait manipuler, les multinationales qui nous vendent des tonnes de médicaments, les milliards de dollars, malgré les quelques affirmations grandiloquentes de l'auteur, parce que veux pas, c'est un philosophe, c'est un gars qui a étudié en philosophie, donc il sait écrire, il sait argumenter, il sait faire valoir son point et convaincre. Malgré tout ça, ben c'est vraiment très très bon. Moi, j'ai vraiment adoré ça comme lecture. C'est un livre qui est interpellant, c'est un livre qui est coup de poing, comme je disais, on en ressort un peu estomaqué. C'est un livre qui est bien monté, tu disais il y a quelques instants, Mathieu. Il y a beaucoup de références. C'est un livre qui... Ça dit pas des choses en l'air. Et voilà. Puis pour avoir remonté quelques références, devoir journalistique oblige, effectivement, c'est véridique, c'est fouillé, c'est vraiment un ouvrage très, très bien construit. Il y a une recherche exhaustive derrière ça. Donc, ça contribue un peu à la crédibilité, ça contribue un peu à rendre justement l'aspect très, très charge en front de terrain, très, très... très, très critique, un peu plus crédible. Ça met des mots aussi sur des concepts, sur des réalités qu'on soupçonne, mais qui, jusqu'à la preuve du contraire, c'est rien que des spéculations. C'est parce que on peut dire « Ah, oh, les pharmaceutiques, les grandes multinationales, on se fait enfiroper, on se fait manipuler. » Sauf qu'on ne peut pas le prouver. C'est des spéculations, comme je dis, jusqu'à la preuve du contraire. Et ce livre-là nous donne un peu, justement, la preuve du contraire. Donc, pour ça, c'est très bon. Et surtout, c'est très collé à l'actualité. On le disait en ouverture, le DSM-5 qui sort au mois de mai prochain, ça fait un peu... je dirais que ça l'attaque un peu, justement, le DSM, les manières de faire du DSM, et ça c'est pas une coïncidence si c'est publié quelques mois avant ça. D'ailleurs, il n'est pas le seul auteur, la seule personne à s'attarder à ça. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à, justement, le DSM-5 qui arrive, l'industrie de la maladie mentale, également l'industrie des pharmaceutiques, et comment les pharmaceutiques utilisent la science un peu pour promouvoir leurs produits. D'ailleurs, il y a un livre en anglais qui sort bientôt qui s'appelle Bad Pharma, How Drug Company Mislead Doctors and Arm Patients, qui est un livre justement qui, comme son nom le dit, s'attaque justement aux manières de faire des industries pharmaceutiques. Et excellent titre, Bad Pharma ou Bad Karma, j'aime vraiment ça. T'sais. Mauvais pharma, c'est très très bon. Pourquoi pas. Ouais. Donc ça contribue à rendre le tout un peu plus légitime, la légitimité du tout. Donc on va faire un petit tour du livre bien rapidement. Donc d'emblée, l'auteur il nous dresse un peu la table et il nous pose la question, sommes-nous tous fous? Le titre du film, le titre du livre étant Tous fous, il pose vraiment la question et il fait vraiment, à l'aide d'un florilège de statistiques, il nous fait vraiment un portrait très, très exhaustif de la maladie mentale dans les 30 dernières années. On a tous quelque chose, ça veut dire un petit quelque chose, ça peut pas dire que c'est majeur. Effectivement, ça revient un peu à ça. Sommes-nous tous fous? On pourrait tous être diagnostiqués d'une maladie mentale ou d'une autre pour plusieurs raisons sur lesquelles je vais revenir. En fait, il nous dit que depuis les 30 dernières années, il y a une véritable épidémie de maladie mentale qui s'est déclarée. Tous les âges, toutes les populations, toutes les maladies, on est de plus en plus malades et on est de plus en plus médicalisés. Donc, en fait, il expose un chiffre dans son livre, c'est 4 800% d'augmentation, si je ne me trompe pas, pour la dépression. Et c'est 4 800%, c'est énorme, pas besoin de vous le dire. Ça met vraiment en lumière la tendance qu'il y a au surdiagnostic, à la surmédication de la maladie mentale. Et ça situe également un peu le rôle du DSM dans le diagnostic des psychiatries. Parce que le DSM, c'est vraiment, c'est la bible des maladies mentales, donc... le psychiatre qui veut diagnostiquer une maladie mentale, et pas juste le psychiatre, d'autres professionnels de la santé qui peuvent également y recourir, va recourir au DSM pour faire ça. Donc, beaucoup de statistiques. Ça peut être par un changement de définition aussi de la maladie? Effectivement, ça c'est abordé justement dans le chapitre suivant, dans le fond je vais y venir tout de suite. Non. C'est justement la remise en question du DSM. Est-ce que c'est valide? Est-ce que c'est quoi l'outil du DSM? Comment c'est utilisé? Et dans le fond, c'est quoi? Donc, premièrement, il critique, le monsieur Saint-Onge critique un peu la définition des troubles mentaux. T'sais, quand il pense, là, si je fais de l'hyperattention, par exemple, on va prendre un sphygmomanomètre, on va prendre un stéthoscope, on va prendre ma pression artérielle et on va dire, bon, vous faites de l'hypertension, monsieur, pour XXX raisons, vous mangez salé, vous n'êtes pas en forme, vous, etc., etc., vous êtes sédentaire. Il y a des mesures. Donc, ça, c'est objectif. Sauf que quand on parle de maladie mentale, ça le dit, c'est dans le cerveau, c'est très subjectif. Donc, ce qu'on apprend, c'est que la normalité et le pathologique, c'est des frontières qui sont très, très floues, que, justement, on peut facilement jouer dessus. C'est où qu'on trace la ligne, dans le fond. C'est quand on dit qu'une personne est vraiment malade mentalement et qu'on dit que c'est juste un événement de la vie courante. Parce que, veux, veux pas, admettons que un membre de ma famille proche décède, puis, bon, là, je suis déprimé, c'est très, très dur comme coup dans la vie. Et au bout de 2 mois, je suis encore déprimé. Ben, au bout de 2 mois, même pas au bout de 2 semaines, selon le DSM, je suis en dépression. Okay. Donc, on devrait me médicaliser, on devrait me donner des antidépresseurs. Sauf que, par rapport à tout ça, c'est que c'est un événement de la vie courante. C'est genre de petit dérivé. Tu vas t'en remettre un jour seul, sans médicaments. Et voilà, c'est le corps humain. Ben, le corps humain, je vous l'ai dit il y a quelques semaines, le corps s'adapte. Ouais. Le corps s'adapte, c'est un principe de base, je vais y revenir à la toute fin, mais c'est un corps s'adapte, on ne tient pas compte du contexte en fait. Donc ça c'est une critique qui est faite. Également, une autre critique, c'est qu'on ajoute des nouveaux troubles mentaux, mais qui ne sont pas basés sur la science, qui ne sont pas ce qu'on dit « evidence-based ». Il n'y a pas de consensus scientifique derrière ça, c'est qu'il y a seulement un consensus d'experts. C'est, en fait, la façon que le DSM est faite, c'est que c'est un panel d'experts qui est réuni. 4 dentistes sur 5. Et voilà. Ça commence ça. Même pas 4 dentistes sur 5, c'est un pingouin sur les milliards de pingouins qu'il y a. Mais c'est le pingouin qu'on appelle le leader d'opinion. C'est celui-là qui est... Il est convaincant. Ouais. Qui a un CV derrière ça, derrière lui. Qui a tout fait le monde beaucoup de choses. Est crédible, mettons. Et voilà, il est crédible dans son milieu. Il y a un certain prestige qui, à l'aide de d'autres experts comme lui, vont... statuer sur comment va être fait le DSM, qu'est-ce qu'on inclut, quel trouble va être défini par quel par quel diagnostic, par quels symptômes, etc., etc. Veux, veux pas, les experts ne sont pas complètement, ils ne sont pas exemples de biais commerciaux ou de biais. Veux, veux pas, ces experts-là, ils ont des scientifiques, ils ont des laboratoires à faire tourner, donc ils ont besoin d'argent, des laboratoires, ça ne marche pas au pain et à l'eau. Donc, on s'imagine qu'il y a là-dedans des intérêts commerciaux qui se croisent et qu'il y a des biais, ce qui nous a explosé. Également, l'effet des modes et de la société sur les diagnostics qui sont rajoutés dans le DSM. Petit exemple, dans les premières éditions du DSM, l'homosexualité était considérée comme un trouble mental. Il a été retiré, heureusement, mais c'est juste pour mettre un peu en lumière le fait que dépendamment de la société, dépendamment des modes, on va où mettre... on est rendu. Et voilà où on est rendu. Il est exposé dans ces livres-là, il est rapporté un cas d'un film qui était sorti dans les années 70, si je ne me trompe pas, qui parlait justement d'un jeune homme qui était pris avec un trouble d'autisme, type genre Asperger ou peu importe. Mais simplement, ça pour dire que suite à ce film-là, il y a eu comme un boom de diagnostic de ce trouble-là. Donc, encore là, un peu l'effet de mode. Est-ce que, soudainement, c'est passé d'un trouble qui affectait peut-être 0.5% de la population, 0.1% de la population, peu importe, à 10% de la population? Je pense pas. Sincèrement, c'est juste pour mettre en lumière que, ayant vu ça, les personnes qui font les diagnostics en sont teintées, et après ça, c'est la frontière qu'on parlait tout à l'heure, le flou, qui embarque et qui, justement, tombe plus du côté maladie mentale. Ouais. C'est comme un peu n'importe quoi dans la vie. Aussi, tu entends parler d'un sujet, tu commences à voir ces affaires-là partout. Et voilà. C'est les remarques plus. C'est tout à fait humain. C'est pas parce qu'on est psychiatre, c'est pas parce qu'on a une spécialisation en psychiatrie, qui est une spécialisation médicale, qu'on est nécessairement exempt de ces biais-là. Mm-hmm. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande place d'imperfection. Ouais. Également, c'est le système de catégorisation qui est inefficace de maladies mentales, du DSM. Quand on parle DSM, là, dans le fond, c'est quoi l'objectif de ça? C'est on prend toutes les maladies mentales possibles et imaginables, on les met dans un ouvrage, on met les diagnostics et tout. Sauf que il y en a plus de 400. Déjà là, 400, c'est énorme comme chiffre. Mais à un moment donné, il y a des chevauchements qui se font. Il y a des zones d'ombre, si on veut. Il y a 3-4 diagnostics qu'on retrouve dans un trouble, qu'on retrouve dans l'autre. Donc, quand cette personne a 3-4 diagnostics, est-ce qu'il y a telle maladie ou trouble, ou il y a telle autre maladie ou trouble? On ne sait pas. Dans un trouble, tu n'auras pas nécessairement tous les symptômes. Et voilà. Pour porter un diagnostic, il ne faut pas que tu sois 12. Sur les 12 symptômes, il faut que tu aies les 12. Ouais. La plupart du temps, ça va être 4, 5, 6, dépendamment. Ça va être un certain pourcentage des troubles. Donc, encore là, il y a une grande place à l'interprétation et à l'erreur. Un autre chapitre qui est abordé très, très intéressant, c'est un peu l'approche, un peu, c'est l'approche biomédicale de la biopsychiatrie, de la psychiatrie qui est mis en lumière. Je viens de dire le terme, en fond, la biopsychiatrie qu'on appelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la maladie mentale est vue comme un trouble ayant une cause physiologique. Ça, c'est très, très symptomatique de la médecine occidentale, je dirais, de voir une maladie mentale ou un trouble ayant juste une cause physiologique. Donc, vous allez voir n'importe quel médecin, ils vont vous dire, vous avez les jambes croches, vous avez ici et ça, c'est pour ça que vos maux de dos viennent de là, vous avez des jambes pas égales, vos maux de dos peuvent venir de là. Pour la psychiatrie, c'est un peu la même chose. Donc, on va dire que la maladie mentale est située dans le cerveau. On va dire que vous avez une dépression à cause que vous avez un déficit en neurotransmetteurs. Votre biochimie est affectée. On va corriger avec des médicaments et vous allez être correct. Donc, c'est vraiment ça l'approche, la prémisse de base de la psychiatrie en général. Donc, ça évacue un peu l'aspect humain, comme je disais tantôt, le contexte. Ce qui peut mener, justement, on disait, à plusieurs dérives. Donc, dans le fond, tout est affaire de biologie et par extension, un peu de génétique. Donc, si vous avez la schizophrénie, c'est parce que vous avez le bagage génétique pour devenir schizophrène. Voilà. On explique tout comme ça. Donc, à quelque part, on va un peu déresponsabiliser les gens, puis on veut un peu dire aussi que si vous êtes malade, c'est pas votre faute, c'est parce que vous étiez fait pour être malade. Donc, je sais pas si vous voyez un peu les dérives qu'il peut y avoir derrière ça, l'éthique derrière ça. C'est, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, les psychiatres, ils médicalisent un organe qui est le cerveau et ils traitent des troubles qui sont les maladies mentales qu'ils ne comprennent pas. Je veux pas remettre en question leur expertise. Ce sont des têtes, ce sont des gens brillants, sauf que de là à croire qu'on comprend complètement comment le corps humain fonctionne, surtout le cerveau, qu'on comprend absolument pas encore, il faut un peu d'humilité par rapport à ça, une humilité qu'il n'a pas. Ils se croient beaucoup eux-mêmes. Et voilà, ouais. Ils se croient beaucoup eux-mêmes. Puis, je vais revenir pour les médicaments tantôt, mais il y a plusieurs conséquences à donner des médicaments aux gens. C'est pas quelque chose sans conséquences. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a un domaine qui va entendre de plus en plus parler dans les prochaines années, ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'effet de l'environnement que peut avoir sur les gènes, sur l'expression des gènes. Ça, l'épigénétique, encore là, on en comprend pas beaucoup de choses encore. C'est à peine, on commence à en parler. Et ça va être probablement la prochaine révolution en médecine. Et ça va tout remettre le modèle de biopsychiatrie qui est de donner une molécule pour un trouble, pour corriger un trouble physiologique, va tout remettre en question. Donc, encore là, ça nous est exposé. Ces arguments nous sont présentés. C'est aussi également l'art de créer des pathologies. Je pense que c'est même le titre d'un de ces chapitres, pour ensuite les médicamenter. Donc, ça, c'est très drôle. On s'attend plus à des troubles spécifiques. Donc, par exemple, on va redéfinir et élargir les critères des maladies mentales. Donc, le TDAH, le trouble de déficit de l'attention chez les enfants. Donc, quand un enfant va être un peu turbulent, ben on va... Ritalin, tout de suite, et voilà. Puis, on va baisser le nombre de symptômes nécessaires pour porter un diagnostic de TDAH. Ce qui est très drôle, la timidité qui est médicalisée. La timidité va être rebaptisée la phobie sociale. Mais c'est un trait de personnalité. C'est un trait de personnalité, sauf que dans le DSM, dans le DSM-4, ça existe, dans le DSM-5, ça va être encore plus amplifié. Être timide, c'est faire de la phobie sociale, c'est un trouble mental et on va vous donner des molécules pour corriger ça. Il y a une différence entre être gêné en foule, mettons, ou d'avoir, c'est quoi, c'est xénophobe, le terme quand t'as de la misère à être dans une foule, dans un centre d'achat ou un spectacle, quelque chose comme ça. C'est différent de juste la timidité où t'as de la misère à peut-être approcher les gens. Effectivement. Ça, c'est juste normal, puis ça s'apprend. Comment se définit le pathologique par rapport à ça? Oui. C'est normal d'être gêné. Je vais interviewer un expert, une sommité dans un domaine. C'est bien sûr que j'ai gêné, j'ai bafouillé, j'ai fait plein de conneries. Mais... Ou au contraire, être total douchebag puis super genre d'entre-gens salut, je me présente. Salut, man. Voilà, comme trop de chemin, là. C'est une critique qui est faite. C'est également l'assimilation des phases de la vie normale à des maladies mentales. Je vous en parlais pour la dépression il y a quelques instants. C'est également l'invention de nouveaux troubles. Ça, c'est très drôle. Le trouble dysphorique prémenstruel. C'est une maladie mentale. Le SPM, et voilà. C'est une maladie mentale, mesdames. Vous l'apprenez ici même. Quand on les traite de la maudite folle, hein? C'est justifié. C'est en commentaire. Trouble de l'excitation sexuelle. OK. C'est un trouble mental. À venir dans le DSM-5, ça s'appelle le symptôme de désordre somatique. Qu'est-ce que le symptôme de la misère à dormir? Non, c'est tout simplement que, mettons, t'as le cancer. C'est pas un petit problème comme le cancer. Un petit cancer, demain, t'apprends que t'as le cancer, la prostate, ou même du cerveau. Très peu de chances de guérir du cerveau. Bon. Ce que tu vas faire, ben tu vas commencer peut-être à t'inquiéter un peu des symptômes que tu as. Tu vas te dire je me sens un peu mal, je me sens faibli, je me sens ci, je me sens ça, ce qui est tout à fait normal. Ben t'es atteint quand même d'un trouble et ça va évoluer. Bon, ça fait normal. Eh bien, selon le DSM-5, eh bien, quand tu te préoccupes excessivement de tes troubles, quand tu es malade comme ça, ben tu es malade mental. Faudrait que tu vives ta vie comme si de rien n'était. T'as juste un cancer. Oui, ça, je suis mieux à tous les jours. Ici, je rajouterais même, il faut que tu vives ta vie en étant complètement gelé, parce que c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont complètement geler. T'es pilulé. T'es anesthésié. C'est un peu ça aussi, la médication. Donc, c'est ce genre de dérives-là qui nous exposait. Un autre chapitre que j'ai particulièrement aimé, étant un petit scientifique sceptique, la remise en question du evidence-based derrière la psychiatrie. Donc, il y a tout un chapitre là-dessus. Le chapitre, ça s'appelle même 12 raisons de se méfier des essais cliniques. Donc, il nous donne 12 raisons que je vais vous énumérer brièvement. Donc, première raison, des résultats favorables aux commanditaires. Donc, ceux qui commanditent les études vont avoir des résultats aux magies qui sont positifs pour leur produit qu'ils ont commandité. Incroyable. Quelle coïncidence. Le manque de représentativité des patients triés sur le volet. Ça, c'est au niveau du protocole, mais on va prendre du monde qui vont peut-être excessivement bien répondre aux composés ou au contraire, qui n'ont aucun trouble, mais qui vont quand même bien répondre. On joue avec le protocole. Qui est scientifiquement qu'on ne devrait pas faire. L'omission de publier les résultats négatifs, le biais de sélection. Donc ça, c'est une tendance lourde en science de juste publier les résultats qui sont positifs et de laisser tomber les résultats négatifs. Sauf que, à quelque part, les résultats négatifs veulent dire quelque chose aussi. Ils sont importants. Quand on parle de médicaments, s'il y a 30 études qui disent que le médicament va avoir tel effet secondaire très grave, mais il y en a 15 qui disent qu'il ne l'aura pas, il va avoir des résultats positifs. Les 15 vont être publiés, mais les 30 vont être laissés de côté, ne seront jamais connus du public, des experts. Et les experts vont dire, on va prendre en compte les 15 qui ont été publiés. C'est une dérive qui est omniprésente en science. C'est pas juste là-dedans, mais c'est un reproche qu'on peut faire. La séquestration des données, un peu comme je disais, on garde des données en laboratoire et on ne les publie pas. La répartition biaisée des patients, ça revient un peu à ce que je disais tantôt au niveau du protocole. L'écrémage des résultats, on manipule les données, donc on prend celles qui nous... on fait du cherry picking, qu'on appelle. Enfin, on prend ce qui nous plaît et on laisse tomber ce qui ne nous plaît pas. Suppression et omission des résultats gênants. ça revient un peu au même. Tous les points sont pareils à date. C'est des petites subtilités, des petites nuances, ouais. Ça reste qu'on joue avec des aspects de la science avec lesquels on devrait pas jouer. C'est ça que ça dit dans le fond. Les comparaisons inadéquates entre des groupes, la période de purge des médicaments, encore là, c'est au niveau du protocole, la levée du double insu, ce qu'on appelle le protocole de double aveugle. Je sais pas si vous savez. Double blind. Ouais, je sais pas si vous savez c'est quoi, messieurs. Test sans connaître vraiment. En fait, le double aveugle, c'est que quand on fait un protocole, le médecin ne sait pas ce qu'il administre, okay, et le patient ne sait pas ce qu'il reçoit. Donc, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de jugement par rapport. Il y a des placebos peut-être aussi. Ouais, comme voilà, ça. Voilà. Donc, le médecin ne sait pas s'il administre un placebo ou le vrai composé. Okay. Ça, c'est très important. Quand une étude est vraiment bien faite, c'est une étude qui est très crédible, en double insu, comme ça qu'on dit, en double aveugle. Sauf que, en psychiatrie, dans ce qui nous est exposé, c'est que même si on essaie de faire du double aveugle, pour du temps, le double aveugle, il est levé, il est connu. Parce que pour différentes raisons. L'évaluation biaisée des résultats, donc une étude qui était négative, on va exposer ces résultats comme positifs ou comme... Les gens qui ont fait l'étude ne sont pas nécessairement au courant, mais la personne qui va écrire le texte à la fin, elle va essayer de manipuler. Ouais, voilà, ceux qui font l'étude vont écrire le texte, ben ils vont s'arranger pour présenter la belle face des choses. Et le dernier, le 12e, les résumés mettent en valeur des résultats judicieusement choisis. Ça, c'est ce qu'on appelle le abstract. L'abstract, ça, c'est quand vous prenez un article scientifique, il y a comme un résumé au début qui, la problématique, les résultats, les grandes lignes, la méthodologie, résultats, après ça, les conclusions, qu'est-ce qu'on en tire, etc., etc. C'est à peu près 300-400 mots et ça fait un résumé de l'article. En se disant que personne ne va lire l'article au complet, il va lire juste le petit résumé. Et voilà. moi, c'est un bémol que j'exprime souvent. Je pense qu'en science, même si les scientifiques ne veulent pas se l'admettre, ils n'ont pas le temps de lire. De tout lire ce qu'ils devraient lire. Sont ultra sollicités. Je prends juste les professeurs chercheurs à l'université. Il faut qu'ils donnent une charge de cours, faut qu'ils justement ils barossent sur leurs cours, faut qu'ils gèrent leurs élèves. En plus, il faut qu'ils fassent la recherche, il faut qu'ils gèrent leur laboratoire. Il faudrait qu'ils lisent à l'intérieur de tout ça, tout leur. Il y en a qui le font et ce sont des éthiquement ils doivent le faire, mais est-ce qu'ils le font toujours? Des fois, c'est tentant d'aller à l'abstract puis de prendre ce qui nous plaît dans l'abstract. Fait ça. C'est comme tu vas lire une critique de jeu vidéo, tu vas regarder 5 étoiles sur 5, tu regarderas pas le résumé puis les nuances. Et voilà. On veut aller directement straight to the point, dans le fond. Donc, c'est une critique qu'on en fait. Après ça, un peu plus tard dans le livre, il y a une exploration complète exhaustive de différents troubles mentaux qui est fait, entre autres la schizophrénie et la dépression. Donc, les causes sont mises en jeu. L'efficacité et l'effectivité des médicaments également est mise en jeu. Les conséquences des médicaments, toute la science, les théories qui est derrière ça. Donc, c'est un peu faire la preuve par l'exemple, à partir de troubles mentaux bien connus, que justement, il y a des dérives, il y a des choses qui ne se tiennent pas là-dedans, il y a des effets délétères. Ça, c'est un peu plus terrain, un peu plus concret, si je puis dire. Il y a également une présentation de l'industrie pharmaceutique et de psychiatrie qui nous est faite. Donc, tous les cas de fraude, des conflits d'intérêts, de corruption qui ont eu lieu et des procès qui ont été médiatisés ou pas médiatisés, qui ont coûté plusieurs milliards à l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est un peu le cas de tous les multinationales, je dirais, dans le fond, dans le sens que c'est leur manière de faire, sont identiques. Donc c'est un peu l'aspect moins glamour qui nous est présenté. Et en conclusion, l'auteur manque pas de nous dire, par contre, que la maladie mentale peut être traitée autrement. Peut être traité à l'aide de thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle d'autres psychothérapies, également la luminothérapie, des groupes de soutien, l'activité physique, etc., etc. Donc, il y a moyen de traiter, puis des fois, c'est plus efficace que les médicaments comme tels, ou mis en conjugaison avec les médicaments, c'est le meilleur traitement. Sauf que, et puis ça vient directement aux autres conclusions que je vais vous dire dans quelques instants, c'est qu'il manque pas de souligner que ces alternatives-là, ben ça demande du temps, de l'investissement, des efforts, c'est ça, la remise en question. toutes des choses que dans notre société, ben, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie de mettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va à l'option facile. On prend la pilule. Médicament. La pilule. Ouais. C'est, dans le fond, là, ce livre-là, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment ça. Là. Ma conclusion, c'est qu'on a vraiment un rapport qui est vraiment weird avec les médicaments. Et là, c'est l'industrie de la maladie mentale qui nous est plus exposée. Sauf qu'en général, c'est une tendance qui est lourde dans notre société. J'ai également fait d'autres parallèles entre cette industrie-là, qui est l'industrie de la maladie mentale, et justement d'autres industries qu'on trouve à gauche, à droite, qui ont comme seule différence qu'ils ne jouent pas avec la santé mentale des gens. Ça, sincèrement, là, je trouve que les Pfizer, GlaxoSmithKline et compagnie, c'est les mêmes. C'est tout le temps les mêmes, mais mon Dieu, ils jouent avec le cerveau, avec la santé des gens. Ils jouent au Dieu! Ça me dépasse complètement dans le sens que tu peux pas jouer avec ça. Là. C'est la vie du monde. Là. OK, on prend, mettons, je vous en ai déjà parlé, l'industrie de la chaussure de course. OK, c'est un peu les mêmes principes. Sauf que la chaussure de course, on s'entend que c'est pas si grave. C'est pas nocif, mais ça ne tuera pas. C'est grave pour le coureur, c'est très sérieux, sauf que comparé à l'industrie de la pharmaceutique, de la maladie mentale, mon Dieu, c'est rien, mais c'est les mêmes méthodes qui sont mises en jeu. C'est non, ça qui est intéressant. Les médicaments de dépression, là, la publicité pour Luminia, quelque chose. Il y a une affaire, il y a une petite bébête qui vole dedans. Là. Le texte de la fille, là, il y a comme une fille hors champ qui parle, puis ses avertissements durent, je pense, toute la pub au complet. Tu sais, conduisez pas de machinerie lourde, mais ça se pourrait que vous mouriez si jamais vous avez des. Si jamais votre dépression empire, vous avez des pensées de suicide ou des actions de suicide, tu sais, parlez-en à votre docteur, genre, t'as de gun dans la main, puis le téléphone dans l'autre. Docteur, parce que je suis comme en train de me suicider, là. Ça va pas. Marche pas mon affaire. Non, mais c'est ça la pub. Et ça joue à TV, c'est never. Non, effectivement, c'est j'aime ton petit. Action de suicide. Ça dit ça. mais pourquoi? Pourquoi pas? La personne est en dépression. On va ageler. Tu sais, c'est ce que ça y prend. Ça empire sa cause. Ça empire la cause. C'est exactement ça qui est mis en jeu dans ce livre-là. On va lire ça. C'est également le fait que le corps s'adapte. Je reviens souvent. Moi, c'est une de mes devises, si je peux dire. Ça me tient beaucoup à cœur. En latin, c'est quoi? je te le sortir. El corpo s'adaptus. C'est bon. Bon, tu as tous les talents. Toi, jeu, pire, mots, hein? Ils sont tous là. Suicide, téléphone. Suicide, téléphone. Donc, on semble facilement l'oublier. C'est jouer un peu odieux, tu le disais très bien, avec le corps des gens, tandis qu'on y comprend. Pas qu'on y comprend strictement rien, mais on y comprend si peu, dans le fond. Donc, un peu d'humilité, s'il vous plaît, un peu de bon sens. Il y a un principe en médecine qui dit qu'on ne devrait pas nuire à la nature dans nos traitements. Excuse-moi, mais ça, c'est pas vraiment respecté ici, je pense bien. Il y a également, désolé, c'est mon dernier point, probablement le plus important, j'en ai de toucher quelques mots tantôt, c'est le rapport aux médicaments. Puis là, j'élargis ça à l'alimentation, j'élargis ça aux boissons énergisantes, j'élargis ça à tout ce qu'on peut ingérer qui va être métabolisé par notre organisme. Tout simplement dire que ce n'est pas un geste banal. Il y a un lien très direct entre ce qu'on mange. Vous connaissez la devise, nous sommes ce que nous mangeons, nous sommes de ce dont nous nourrissons. Il y a un lien direct entre les deux. Que ce soit des médicaments, que ce soit de l'alimentation. Simplement, c'est ça pour dire que c'est pas un geste banal, se nourrir. C'est important, ça a une influence directe sur la façon qu'on vit au quotidien, sur notre humeur, sur notre façon de gérer, notre façon de performer, sur tout, sur absolument tout. Donc moi, ma grande interrogation, et ce qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'on prend des médicaments, à tonne, tout le monde est surmédicalisé. Dès qu'on a un trouble, oh, on prend une petite pilule, un petit mal de tête, oh, prendre une petite pilule, etc., etc. Oh, je suis un peu fatigué, on va me caler un café. C'est excessivement tabou, c'est excessivement. Ça a des conséquences, ça. Ce que tu le disais toi-même, prendre une pilule pour la dépression, ben, tu peux te suicider, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. En fait, ça n'a rien à dire qu'on comprend pas ce que ça fait vraiment. Il y a plein d'effets secondaires, on n'est pas capable de les prédire, on en met une liste. On en met juste pour se protéger, ça ne arrive pas. On met une monographie qui prend 15 pages pour dire que vous allez peut-être avoir tous les troubles du monde en prenant cette pilule-là. Il y a un problème. Sincèrement, il y a un problème. Moi, ça me fout le feu aux fesses parce qu'en plus, je suis plus du genre approche bonnes habitudes de vie, santé, faites de l'activité physique, soyez bien dans votre corps, prenez-vous en charge. Mais c'est pas ça qui est fait, vraiment non, pas. Moi, sincèrement, là, en fait si on met tout en contexte, c'est simplement pour dire que ben le c'est notre société un peu, tu sais, on est dans une société où c'est performance, on n'a pas le temps de vivre les choses, faut aller tout le temps plus vite, faut tout le temps parler de soi, moi, s'élever sur un podium de gloire personnelle. Mais à quoi ça nous mène, ça, sincèrement? À quoi ça nous mène? Donc, moi, mon message derrière ça, c'est, ben, reprenez-vous en charge. Tu sais, si vous devez vous prendre n'importe quel composé, n'importe quelle drogue pour pouvoir vivre votre vie au quotidien, là, il y a un problème. Allumé, il y a un problème. El corpus adaptum. Donc ceci m'a fait à mon un peu coup de gueule, je pense que je me suis un peu emporté. Ça m'a également fait à ma chronique. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Moi j'avais des jeux de mots de médicaments, je voulais insérer mais je trouvais qu'il était pas très bon. Je trouvais qu'il y avait de l'excédrine dans tes affaires. Puis Advil que pourra. Advil que pourra. Et puis ta chronique était allègrement bonne, Allègre. Tu Viagra, non? T'en es pas Je vis à grands pas. D'une foulée à l'autre, à grands pas. Pourquoi pas? Je vois pas le Viagra. Parce que ta collègue s'appelle une foulée à l'autre, fait que tu vis ta vie à grands pas. C'est d'une foulée à l'autre. Foulée, c'est les jambes qui. Oui. Ok, je comprends. C'est ce qui termine cette édition d'Aucun outil requis. Un grand merci à chacun de nos chroniqueurs. Je vous rappelle que tout l'été, je coanime Assemblage requis à la plage avec Stéphanie Paradis et Mathieu Plante.